sans ailes. Sous mes ailes, y a du vent. Et le froid, je le sens. Je le sens, mais je peux faire sans. Je peux tout faire sans. Peux faire sans. Sans moi, je peux faire sans. Sans toi, tu peux faire sans.